Neuf cercles ou régions, c'est ainsi que le philosophe Dante divise le purgatoire et l'enfer à l'époque du Moyen Âge. Le purgatoire est donc le second royaume où l'âme humaine subit sa purification, avant d'être jugée digne de monter au ciel. Voici la descente au purgatoire de Dante présentée par Colin de Plancy. Après la visite de l'enfer, Dante se rend au purgatoire, guidé par un ange, tandis que des anges chantent le beau psaume « In exitu Israël de Aegypto », quand Israël sortit d'Égypte, que la maison de Jacob s'éloigna du peuple barbare, Judée devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer Rouge le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer à t'enfuir, et toi Jourdain à retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des agneaux? La terre tremble devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob, qui change le roc en étang, le roc en source d'eau. Psaume 114. Lorsqu'il quitta la barque, Dante vit les âmes pâlir d'étonnement par la vue d'un vivant. Il aperçut l'âme de Casella, un ami compositeur musical, et veut embrasser par trois fois, mais ramène ses bras vides. Une foule d'âmes viennent à lui, sans marcher, étonnées de le voir vivant. Il rencontre Manfred, ce roi de Sicile, excommunié par trois papes, qui lui dit « Quand mon corps fut percé par deux coups mortels, je me confiais en larmes à celui qui pardonne, même les plus horribles péchés, par l'infinie bonté de Dieu envers ceux qui se tournent vers lui. Il est bien certain que celui qui meurt, condamné comme moi par la Sainte Église, bien que repenti sur la fin, doit rester dehors, au purgatoire, 30 fois plus qu'il a persisté dans son obstination, à moins que cet arrêt ne soit abrégé par de secourables prières. » Manfred le pria de le recommander aux prières de sa fille Constance. De partout, on fait de pareilles demandes, bien qu'encore aux alentours du purgatoire. Il y a des préparatifs expiatoires à faire par certains pécheurs, avant d'être admis dans l'autre niveau du purgatoire. Il aperçut Pierre de Bresse surnommé le Camus, un digne favori de Philippe le Hardi. La Brosse voulut perdre Marie de Brabant, mais son crime fut connu et on le fit mourir par pendaison. Il accusa Philippe le Hardi, de lâcheté, et d'autres princes qu'il traita mal en général. Il aperçut Rodolphe de Habsbourg, à qui il reprocha de n'avoir pas guéri toutes les plaies d'Italie. Arrivé au mur d'enceinte du deuxième domaine du purgatoire, on y monte, plutôt que descendre comme en enfer. À la porte se tient un portier, ayant en main une épée dont les traits éblouissent la vue. Il y a trois marches, et un ange de Dieu, assis sur le seuil de diamant, faisant office de portier. À son humble demande d'ouvrir cette porte, l'ange trace cette épée sur son front avec la pointe de son épée, disant « Fais en sorte que ces traces disparaissent en ce lieu sacré. » Il tira de sa robe de clé qu'il tenait de Saint-Pierre, et poussa par devant la sainte porte en disant « Entrez. Mais sachez qu'ici, celui qui regarde en arrière est condamné à sortir. » Il rencontra des Italiens malades qui transportaient de très lourdes pierres qu'ils ne peuvent pas déposer. Il montait vaillamment, s'étonnant de se trouver si léger. Virgile lui dit « Quand l'épée sur ton front aura entièrement disparu, tes pieds ne sentiront plus la fatigue. » Il entendit au loin des âmes couvertes d'un grossier cilice, qui prit en gémissant, se soutenant les unes les autres, les paupières cousues afin que leurs âmes ne voient pas. C'est par ce châtiment et les fouets, que l'envie s'expiécit. On trouve des Toscans de Toscane dans plusieurs hymnes, et au 20e hymne du purgatoire, Dante voit Hugues Capet, chef de cette suite de rois qui ont gouverné la France jusque dans notre siècle. Il le déclare fils d'un boucher de Paris et le place parmi les avares. Le 9e hymne aussi traite assez mal des princes français. Je vois les fleurs de lys entrer dans la lignée, et, le Christ, prisonnier en la personne de son vicaire, que j'aperçois livré encore une fois à la dérision, et où se renouvellent le vinaigre et le fiel, entre deux larrons vivants, que je vois mourir. C'est la lutte odieuse du pape Boniface VIII contre Philippe le Bel, le nouveau Pilate selon Dante. Ce pape meurt entre les deux larrons, Nogara et Colonna. Au 22e hymne, Dante rencontra le poète Stas, à la joie de Vigile, qui lui prit modèle dans l'Énéide. Son maître lui confesse d'être au purgatoire pour n'avoir pas osé se déclarer disciple de Jésus durant la persécution des empereurs contre la vraie foi, bien qu'il reçut le baptême et fut chrétien avant d'écrire son poème Thébaïde. Il était depuis longtemps au purgatoire pour expier sa lâcheté. Plus loin on vit les gourmands souffrir la faim et la soif. Et après avoir compati d'autres âmes malheureuses, dans les flammes et autres épurations, les pèlerins entrèrent dans une gracieuse campagne où étaient réunies les âmes qui avaient fini leur pénitence. Ils entendirent chanter « Venez, béni de mon Père ». 24 vieillards apparurent, couronnés de fleurs de lys, marchant deux à deux. Puis 4 animaux couronnés de feuilles vertes, chacun ayant 6 ailes de plumes couvertes d'yeux. Entre eux s'avançait un char de triomphe entouré des bienheureux venus du ciel. L'espérance est une attente certaine de la gloire future, que produisent la grâce divine et le mérite précédent. De plusieurs étoiles me vient cette lumière, mais celui qui fut le suprême chantre du chef suprême, la versa le premier dans mon cœur. Qu'espère en toi, dit-il, ceux qui connaissent ton nom? Et qui ne le connaissent il a ma foi. Divine Comédie, chant 25.